Le 17 décembre, à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, le journal Le Dong Simun a inséré l'éditorial titré « En avant vigoureusement sur la voie de la victoire finale tracée par le grand camarade Kim Jong-il ». Il a écrit « Le grand camarade Kim Jong-il est le symbole éternel de la puissance Pectosan qui a inauguré l'époque nouvelle de la prospérité pour notre patrie et notre peuple et qui les appelle à l'offensive finale ». Ces 5 dernières années, notre peuple a réalisé combien sont précieux ces exploits accomplis pour l'œuvre révolutionnaire Chuché, et en éternisant la mémoire des leaders, il a manifesté au niveau suprême le désir d'honorer à jamais les grands leaders sous la direction du respecté maréchal Kim Jong-un. La direction du maréchal est le drapeau militant qui guide notre parti et notre peuple seulement à la victoire conçue par le camarade Kim Jong-il. Tous sont appelés à s'unir étroitement autour du camarade Kim Jong-un et à militer plus énergiquement pour achever l'œuvre révolutionnaire Chuché selon le vœu du camarade Kim Jong-il.